Alors, les principaux acteurs de l'apocalypse en termes de pays, ce sera le Québec. Qui vont provoquer l'apocalypse ou la vivre? Parce qu'un acteur... Ça sera des principaux acteurs. La question est, si vous pouvez savoir si c'est ceux qui la vivront pas, ceux qui vont la vivre, c'est dans les principaux acteurs. Il va y avoir les États-Unis d'Amérique, il va y avoir les pays assujettis à l'islam, il va y avoir l'Union des républiques socialistes soviétiques, il va y avoir presque un pays qui va s'appeler Europe, mais parce que là-bas, il va y avoir à un moment donné une coalition suffisamment solide que ça va être presque une forme de pays. Il va y avoir l'Argentine, il va y avoir l'Australie, il va y avoir une partie de... Enfin bref, il va y avoir quelques pays, quoi. La totalité des pays de la planète? Non, pas la totalité des pays de la planète, non, parce qu'il y en a plusieurs qui sont suffisamment en guerre interne qu'ils ne sauront jamais qu'il s'est passé quelque chose. Ils vont voir que leurs vieilles trails dans le bois sont rendues comme neufs, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui vont être passés là. Des pays qui vont traverser leur territoire pour aller se battre ailleurs, mais ils ne s'en rendront pas compte, ils sont trop occupés. Ils vont s'en servir pour aller cultiver. Oui, ce qui est certain, évidemment, c'est que l'URSS ainsi que les USA font partie des pays qui vont être des acteurs majeurs dans l'apocalypse. Maintenant, les USA, c'est nécessairement toute la majorité des colonies américaines, en l'occurrence le Canada et une partie du Sud. Maintenant, il y aura plusieurs guerres civiles qui vont se déclencher. Et c'est un des points majeurs de la prochaine apocalypse, c'est que les guerres à long terme, les grandes guerres, vont fonctionner sur une petite partie de la planète, mais c'est surtout des guerres à l'interne que les gouvernements vont avoir à régler. Pourquoi les guerres internes civiles sont plus sadiques, sont plus morbides que les guerres entre pays? Pour la simple raison que dans les guerres entre pays, les soldats ou les combattants haïssent l'ennemi, mais ils ne savent pas pourquoi ils haïssent l'ennemi. Dans les guerres internes, les guerres civiles, tu haïs ceux que tu tues, mais bien souvent, tu sais pourquoi tu les haïs. Alors, quand tu renverses un gouvernement, tu sais pourquoi tu renverses le gouvernement. Quand tu démolis le régime qui t'a fait vivre des misères pendant 20, 30 ou 40 ans, qui a tué des personnes de ta famille ou des amis, quand tu as une guerre civile, tu sais pourquoi tu haïs, fait que tu haïs en maudit. Quand c'est une guerre entre, par exemple, deux grands pays qui ne se sont jamais connus, les Anglais, quand ils ont été se battre contre les Argentins, haïssaient les Argentins. Les Argentins haïssaient les Anglais pour les Malouines. Sauf que c'était une haine qui était une haine stratégique. C'était pas une haine psychologique, c'était pas une haine divine ou satanique, appelons ça comme on voudra. Alors, dans les guerres internes, dans les guerres civiles, ça devient extrêmement désopilant. Premièrement, dans les guerres civiles, le gros problème, et c'est une grande partie de la prochaine guerre, la prochaine apocalypse, il y a l'armée qui se bat à l'interne pour obliger le peuple à aller se battre à l'externe. Il y a les pillards à l'interne qui profitent de toutes les situations. Il y a ceux qui se battent pour ne pas aller se battre. C'est le même tout le temps. Il y a ceux qui sont réussis à se cacher, qui ont suffisamment de vivres et de conditions pour vivre, qui doivent se battre contre ceux qui veulent leur voler. En tout cas, bref, l'animal étant ce que... l'humain étant ce que l'humain est. Les griffes, c'est pas long que ça pousse. Les griffes sortent. Pourquoi une mécanique prend-elle la peine de créer tant d'outils humains pour ensuite être obligée de précipiter un apocalypse, où la majorité des outils vont périr? Bon, ce qu'on doit comprendre, c'est que la mécanique, c'est une mécanique. Ça ne prend pas la peine de rien faire, c'est mécanique. L'intelligence, premièrement, la création est un accident vu du point de vue de l'intérieur, et l'être humain est une solution à la création. Étant donné que nous sommes passés par des processus de densification, ce qu'on appelle l'effusion, où nous avons laissé différents corps comme des mobiles planétaires ou extraplanétaires à l'extérieur du contexte de notre planète, lorsque l'humain est descendu, il est devenu de la matière. La matière, maintenant, doit être supramentalisée, doit être intelligencée, elle doit être énergifiée, structurée à partir de l'énergie. La mécanique est une mécanique qui fait partie de ce qui est engendré par ce que nous sommes aujourd'hui. Étant donné que l'être humain est une condition présentement totalement mémorielle, qu'il ne fonctionne qu'à partir de son expérience, de ce qu'il apprend, par essai et erreur, ainsi que par la tradition, il ne peut faire autrement que d'être inclus dans une mécanique. Et la mécanique, c'est l'accumulation de toutes les expériences qui ont été vécues à l'échelle de la planète. Si je place plusieurs billes de billard sur une table et que je en lance une seule qui va frapper les autres, la mémoire, c'est-à-dire qu'étant donné que les billes de billard qui sont sur la table ne peuvent pas être partout en même temps, ils sont uniquement à une place, il y a donc une mémoire d'emplacement et elle reste là, automatiquement, toute la mécanique de ma table sera assujettie à une seule loi, celle qui sera régie par l'emplacement de mes boules au départ. C'est ce qu'on appelle une mécanique. Maintenant, l'humain peut dire, oui, mais pourquoi qu'il y a une mécanique qui a prévu que les billes étaient pour se réchauffer à chaque fois qu'elles étaient pour se frapper? C'est parce que les billes sont fabriquées d'atomes. Parce que l'atome, c'est les molécules plutôt. Les molécules sont fabriquées d'atomes. Parce qu'il y a de l'énergie. Chaque fois qu'on heurte des molécules, ça crée une accélération dans le mouvement de la structure atomique. Ça crée nécessairement un dégagement d'énergie. Ça crée une réaction qui est un peu exothermique. C'est une mécanique. C'est pas que parce que l'abeille ou un dieu ou le manipulateur ou le lanceur prend la peine de créer de la chaleur, etc. Non. Plus les billes se frappent, plus les billes deviennent cinétiquement énergétiques. Mais à peine, ça ne paraît pas sur une table de billard. Il n'y a pas de l'humain reste convaincu, et c'est un grand piège. L'humain reste convaincu souvent qu'il y a une intelligence, un Dieu, qu'il y a quelque chose qui peut lui parler, qui peut l'aider, le sauver, l'instruire. Il n'y a foutrement rien dans le monde de la mort qui s'intéresse à vous, sauf pour vous voler votre énergie, pour bloquer votre conscience, pour vous empêcher de vous ouvrir. L'humain reste convaincu que Dieu, finalement, qui l'a créé, pourquoi a-t-il mis tant de problèmes, pourquoi a-t-il créé tant de mécaniques, tant de... Ce Dieu-là est un bâtard. C'est un excrément de la descente de l'humain. Il n'a pas d'intelligence. Il ne peut fonctionner qu'à partir de l'expérience de l'homme. Fonctionnant qu'à partir de l'expérience de l'homme, plus l'homme crée de l'événement, plus l'homme vit à travers le temps, plus le Dieu se construit. Ce Dieu-là, maintenant, veut aider l'humain. Mais il ne veut pas que l'humain s'échappe. C'est comme le parent qui dit, « Mon petit gars, moi, t'ai dit de te lancer en affaires, mais reste dans le sous-sol. Pourquoi veux-tu t'acheter une maison? T'es bien ici. Moi-même te faire la cuisine. Moi-même laver ton linge. » Mais le petit enfant, lui, là, il veut s'en aller. Alors, le parent va finir par tout faire, lui acheter des belles choses, jusqu'à un moment donné où ça va être, « Ouais, mais tu peux pas comprendre quand je te parle que... » Bon, c'est ça, la colère, l'apocalypse finale, puis finalement, il s'en va. Bon, fini là. Puis une fois qu'il est parti, ben, il est libre. La nuance avec l'humain, c'est que quand nous allons nous libérer, nous n'allons pas abandonner nos parents. Nous allons venir en arrière et nous allons les manger. On va les intégrer à nous, mais nous conserverons le contrôle du phénomène. Nous allons rester nos seuls maîtres. La mécanique céleste, théologique, est une mécanique expérientielle, mémorielle. Elle ne fonctionne qu'à partir de ce que l'humain a fait. Elle ne fonctionne pas d'une autre façon. Quand on parle de l'intelligence, et on va poser la question, pourquoi l'intelligence vient simplement pas à l'échelle de la planète expliquer à l'humain qu'est-ce que l'humain doit faire? Et faites pas de guerre, puis évoluez à la place. Cessez de polluer, puis faites ceci, faites cela. Cessez de travailler pour de l'argent. Et mettez des robots à la place, puis donnez-vous du temps un peu. Cessez de faire ceci, etc., etc. Et on va donner des raisons intelligentes à l'humain pour que l'humain comprenne c'est quoi son chemin, c'est quoi la voie, pourquoi elle doit s'améliorer, s'entretenir. La problématique, c'est que la conscience dans un humain est proportionnelle à son cerveau et à la capacité qu'a son système endocrinien d'endurer de l'astral, de ne pas sécréter dans le corps physique. On va juste vous dire, peut-être qu'il va neiger, puis le cœur se met à accélérer tout de suite, bien, cet humain-là, on n'est pas allé présenter quelqu'un qui marche sur l'eau. Il va simplement faire un infarctus du myocarde. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, il se met à sécréter de l'adrénaline, certaines catécholamines, puis le cœur vient que... Ouais, le seul cœur, c'est le cœur, puis il lâche. L'humain doit comprendre que lorsque l'intelligence descend au niveau d'un humain, elle s'ajuste à l'humain. Quand l'intelligence descend au niveau d'un humain qui est totalement investi de Dieu, ben c'est Dieu qui parle à l'humain. Puis Dieu ne peut parler à l'humain autrement qu'en disant à l'humain, « Repens-toi, même de ce que tu n'as pas fait, puis remercie-moi de ne pas te faire souffrir autant. » Mais dans le terme théologique, c'est « Remercie-moi du petit cadeau que je t'ai donné cette année. » Puis le reste, il y a eu de la misère, mais ça va. Après ça, va et convertis, porte la bonne parole. Amène-en du monde pour m'alimenter. Quand l'intelligence descend au niveau d'une personne qui est en frustration contre sa religion, l'intelligence lui fait voir la religion d'une autre façon, un autre point de vue. Et le point de vue va être le point de vue sacrableux, mais ça m'a empêché d'évoluer. Pourquoi que ça freine tant l'humain? Hey, sors de ta sec, lâche ta cravate, viens-t'en. Mais la religion, elle a une utilité. Elle a permis à ceux qui commençaient à s'ouvrir de ne pas se suicider, avec de l'illusion. Mais c'était essentiel. Pourquoi? Parce que notre système digestif psychologique ne pouvait s'alimenter que d'illusions. Alors, on avait de l'illusion. Maintenant qu'on veut aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus réel, on doit commencer par rejeter de l'illusion, ou du moins une certaine qualité d'illusion. La seule façon que vous avez de rejeter une qualité d'illusion, c'est de la haïr. Pourquoi? Parce que la structure astrale de l'humain est bâtie comme ça. Et elle est bâtie comme ça suite à l'expérience de l'humain et à la chute de l'humain. Il y a eu la terre, il y a eu bien des choses. Donc, il doit haïr. Si vous devez, à un moment donné, vous séparer de votre femme ou de votre mari, ben, si vous ne vous haïssez pas, vous allez avoir de la difficulté à vous séparer. Si, à un moment donné, vous vous haïssez suffisamment, facile la séparation. Parce que l'humain est encore assujetti de l'amour psychologique. Il doit haïr pour bouger. Alors, on doit haïr nos ennemis pour les tuer. On doit haïr notre maison pour déménager. On doit haïr notre emploi pour changer d'emploi. On ne fonctionne pas par intelligence. On fonctionne par haine, par émotivité. Donc, lorsque Dieu vient communiquer à l'humain, il communique en fonction de ce que l'humain peut comprendre comme langage. Le langage de l'intelligence, il n'y a pas beaucoup d'humains qui comprennent ça. Le langage de l'émotivité, oui. Il y a des humains qui comprennent le langage de l'intellect, mais l'intellect est assujetti à l'émotivité, à l'ego. Alors, les mécaniques, c'est simplement l'humain qui bâtissent son problème. L'humain dit, si Dieu veut venir me voir, il faut que ce soit le vrai Dieu, tu sais, le Dieu blanc, avec une barbe, tu sais, une grosse barbe, grande voile, il marche 6 pouces du sol. Ça, c'est Dieu. L'homme reconnaît le vrai Dieu. Fait que si Dieu arrive sous la forme de n'importe qui dans la salle ici, ben, il s'est trompé de planète, parce que c'est pas ça. Si Dieu arrive sous la forme d'un noir, d'un Africain, d'un maudit Vietnamien. Bon, bah, qui veut écouter ça? Pas les Vietnamiens, voyons, non, Dieu peut pas être un Vietnamien, on les connaît, les Vietnamiens. Puis nous autres, ben non, Dieu peut pas être un importé. Bon, fait que finalement, Dieu est fait. Alors Dieu est rusé, dirait un spiritualiste. Ah oui, Dieu a décidé d'apparaître dans chacun des humains. Comme ça, ils vont le reconnaître. Hein? Dans le miroir. Sauf que l'humain se dit encore une fois, oui, mais ça peut pas être moi. Moi, j'ai toujours été celui qui s'enfargeait, celui qui se frappait le tibia sur le meuble la nuit en se levant. Ça, c'est l'ego, c'est le cave, c'est le corps, c'est l'astral, c'est le vital, c'est l'ego. C'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui fait prendre conscience à l'humain qu'effectivement il souffre. Ça, c'est de l'intelligence. Mais celui qui se sert de ce qu'il vient de voir, c'est l'ego. L'ego dit, ah tiens, je viens de comprendre que je souffrais. Ah ben, maudit. Mais c'est pas l'intelligence. Pourquoi toute la mécanique, pourquoi tout semble si compliqué? À cause de l'humain. C'est tellement, tellement, tellement simple. La première conférence que j'ai faite, on me pose une question. Comment faire pour être en paix? J'ai répondu, soyez en paix. Mais ça n'a pas été succès. Non. Non, après ça, j'ai pris 3 heures pour expliquer. Là, on n'avait rien compris, mais c'était bon. Quel est le rôle de Daniel Kemp dans l'Apocalypse? Boire un peu avant. Du coup, j'apprends des choses que je ne veux pas savoir. Écoute pas, Gaston. Bon, quel est mon rôle dans l'Apocalypse? Béatement et bêtement, le même rôle que vous. Une réponse comme ta première conférence. Qu'en as-tu un autre? Oui, mon rôle, c'est mon rôle. C'est ma fonction, mais c'est la fonction de bien des gens. N'empêche que c'est intéressant. Mon rôle, c'est uniquement de préparer des individus à être transportables. Pourquoi autant de cases dans la vie présentement? Cases de laveuse, cases de la sécheuse, du réfrigérateur, de l'auto du mari, et tout ça après une case physique. Toi, c'est la preuve que si elle n'avait pas tout ça, on n'a pas de problème. Pas de mari, pas de laveuse, pas de sa chose. Si je dois casser quelque chose au niveau du lien affectif, présentement, c'est déjà en marche légalement. Pourquoi cette case continue-t-elle? C'en est rendu à un tel point que cela ne me dérange presque plus, mais je trouve ça plutôt con. C'est très con. Cela fait partie de l'initiation de l'animal humain, l'initiation lunaire. J'expliquais à un moment donné dans une conférence réservée aux séminaristes que la majorité des conscientisables allaient se faire pousser progressivement par l'intelligence et attirés par les mécaniques anti-évolutives sur une corde raide. Normalement, il y a un grand piège dans la conscientisation, et puis si un jour vous dites « Ah ben, crime, il y a ce piège-là, moi je ne me conscientise plus », la conscientisation n'est pas dans les mains de l'humain, ça ne le regarde pas, ça se fait tout seul. Et donc, n'importe quelle personne conscientisable, lentement et progressivement, on la pousse vers l'appauvrissement financier. Donc, c'est tout à fait logique que la sécheuse, la laveuse, ses culottes, enfin tout, brise. Pourquoi? Parce que la personne doit s'anégoïser. On en a parlé suffisamment. La négoïsation, c'est la fonte de l'ego, la diminution de l'ego. Anégoïsation engendre puisement dans les mémoires volatiles de l'âme, l'expérience de l'homme. Cet épuisement-là fait que l'enveloppe du périsprit s'accole lentement sur l'ego. Et cette mécanique engendre la création d'un double éthérique qui va rendre l'être humain immortel dans sa conscience, même si son corps physique meurt. Ce qui va faire que l'humain ne gagnera pas le monde de la mort, ne gagnera donc plus le ciel, ne sera pas fusionné avec d'autres consciences pour se réincarner inconsciemment plus tard, mais sera totalement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il va faire. La négoïsation, elle peut se faire de deux façons. Par compréhension d'intelligence, donc par contrôle du mental sur les réactions astrales à l'intérieur de notre corps physique, ou par la structure habituelle, celle où l'intelligence te dit « Non, tu n'auras pas raison, parce que le moindrement que tu commences à avoir raison, l'ego va se dire « Hey, j'ai raison, c'est de l'égoïsation. » Alors non, mon petit, on commence à t'écraser comme il faut. Tu es malade, tu es fatigué, tu es faible, tu perds ton argent. Et en même temps, ben, y a toute la mécanique astrale qui te dit « Non, non, celui ici si se libère, on est bien mal parti. » Fait qu'on tire dessus, et normalement, l'humain s'en va sur une corde où il est sur le bord de « plus rien à voir ». Avec toujours le savoir chez lui qu'un jour il sera libre. Libre, ça veut dire qu'il sera riche en temps et en argent. Et ça peut durer quelque temps, même longtemps. Et à un moment donné, l'individu s'en sort. C'est une phase d'anégoïsation. Autrement dit, vous avez le choix. Vous pouvez vous anégoïser pendant 2-3 000 ans en étant plus ou moins... Donc, la sécheuse fonctionne. Ou vous anégoïsez en dedans de quelques années, la sécheuse ne fonctionne plus. Au lieu de marcher sur le 110, un bout de temps, marche pas en tout. Oui. Maintenant, c'est ça. L'individu qui brise des formes, qui abandonne, qui donc, ici on parle justement, il y a des liens affectifs en train de se briser, effectivement, ça peut aider. Ça peut être une réaction. Bon, dernièrement, il y a une personne avec qui je travaille qui m'expliquait que ces stars ont commencé à se promener tout seul dans la maison. Moi, je lui dis, oui, mais c'est normal. L'humain passe son temps à vouloir faire de la télékinésie, de la psychokinésie, de la lévitation, à faire un paquet de trucs de genre. Et ce qui arrive, c'est que la structure même du programme Maître Contrôleur fait que l'individu se transforme lui et les symptômes secondaires de l'évolution apparaissent en fonction des corps physiques, des génétiques et des utilités plus tard. Donc, tu ne travailles pas pour être télépathe. À un moment donné, tu te rends compte que tu es télépathe. C'est plus simple. C'est donc normal que, inconsciemment, il commence à faire bouger les objets. Il y a une personne qui, après un séminaire sur la colère mentale, elle s'était couchée chez elle, dans son lit, ce qui était une chose normale. Et pendant la nuit, il y a eu un grand vacarme qui l'a réveillé, il pleuvait à verse, et puis son cadrage de fenêtre avait traversé dans sa chambre. Mais le bloc d'aluminium au complet, ainsi qu'une partie du béton qui le tenait, ça avait traversé au complet. Alors, elle avait eu peur. Il y en a qui ont peur, d'ailleurs. Ça, c'est sérieux. Hein? Non, mais ça ne l'a même pas touché. Réellement, pas d'arrivée. Bon. Et elle m'en a parlé par la suite, etc., etc. Elle a abandonné les cours un bout de temps. Qui n'est pas encore venu, c'est un bout de temps, je vais revenir. Mais la problématique d'une certaine technique d'évolution, c'est qu'il y a des techniques qui fonctionnent. Mais l'humain ne s'attend pas à ce que ça fonctionne. L'individu commence à faire bouger ses stars verticaux, mais il y a énormément de choses qui vont se faire inconsciemment. Pendant que tu dors, pendant que tu sommeilles, pendant que tu rêves, pendant que tu marches. Et à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu participes toi-même à ton phénomène de négoïsation. Ta sécheuse, tu la casses, ta laveuse, tu la brises, ton automobile, tu la mets en panne. Pourquoi? Parce que les objets qui t'entourent ne sont plus en affinité énergétique, ne sont pas suffisamment de qualité pour supporter ton énergie. Ah, évidemment, c'est facile, t'es là-dedans, t'en casses à tout bout de chat, t'achètes une Renault, elle brûle. Tu passes une Ford, tu sais, Ford, ferraille, ressource, rebut, déchets. Bon, tu passes, t'achètes une Ford, et puis ça ne fonctionne pas. Et puis, à un moment donné, tu te dis, ben, c'est simple, je serais une Mercedes ou une Cadillac, ça irait bien. Mais les chèques du bien-être sont pas assez gros. C'est ce qui arrive. La seule chose qu'il y a, c'est que ça vous permet de vous anégoïser. Je dis et je répète que celui qui souffre, ce n'est pas une souffrance où on te travaille les intestins avec un tournevis, mais celui qui vit dans sa conscientisation beaucoup de problématiques, est une personne qui va vivre énormément de liberté plus tard. Et je ne parle pas dans le ciel, là, je te parle dans quelques années. C'est plan planétaire. Alors, la personne doit s'anégoïser suffisamment. On a parlé un peu la semaine dernière, ça revient encore à la même chose. C'est que si tu chiales parce que ton automobile ne fonctionne pas, la journée que tu vas avoir suffisamment de pouvoir, en réalité de puissance, si tu as encore d'égo, tu vas devenir un MTS, un martyr de la transition supramentale, et c'est extrêmement problématique, et pour moi, et pour d'autres individus, et pour toi, en ce sens que tu vas faire partie des derniers à t'en sortir. Alors, c'est préférable de voir que ce problème comme ça. Si tu as été sur la cordelette un bout de temps ou près de la cordelette, et puis que tu décides que tu penses à te suicider, tu évites ça, puis tu dis non, à la place, je vais aller vivre sur une île déserte. Je ne me suiciderai pas. Je n'aurai plus de laveuse, je n'aurai plus de sécheuse, je n'aurai plus d'auto, je ne veux rien. Il n'y a rien qui va casser. Est-ce que tu arrêtes d'évoluer ou qu'est-ce qui t'arrive? Non, parce que tu n'iras pas sur une île déserte. Le bateau va couler, ça doit être... Non, le bateau part pas. Je le sais par expérience. Ouais. Il n'y a aucun problème. Le bateau part pas. Simplement. Est-ce que Gorbatchev est sincère? C'est écrit en russe, mais je... Ça dépend de ta chemise. Je ne sais pas moi si c'est sincère. Oh, c'est pas ça. Bon. Est-ce que Gorbatchev est sincère? Absolument, totalement. C'est pas lui le problème, c'est ceux qui les laissent aller. Quelle différence y a-t-il entre le Dieu du ciel et le Dieu des cieux? Le Dieu du ciel s'appelle Dieu. Puis on peut lui donner des surnoms comme Yahvé, mon Dieu, Père. Le Dieu du ciel est un Dieu. C'est donc un créateur. C'est un créateur qui ne demande rien d'autre à l'humain qu'une journée par semaine ou un peu d'adoration. C'est un créateur qui a des rituels, des rites et qui donne des lois à l'homme. Le Dieu dans les cieux, ce n'est pas un Dieu. C'est-à-dire qu'il ne se fait jamais connaître à la conscience de l'homme comme étant Dieu, je suis Dieu. Il n'est pas sexué. Parce que Dieu, la déesse, c'est nécessairement pas Dieu. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas de déesse majeure. C'est toujours un Dieu, puis s'il y a des déesses, c'est après. Le Dieu des cieux n'est pas sexué. Donc, il n'est pas question de savoir si la femelle ou le mâle, ça n'a rien à voir. C'est de la conscience. C'est pas une question de sexe. Les sexes sont essentiels. Ça permet de faire des enfants plus puissants. Le Dieu dans les cieux, donc, ne se fait pas connaître comme un Dieu. Il ne se fait jamais connaître par l'intermédiaire d'un prêtre. Il ne demande jamais à la conscience de l'humain de prendre du temps et de la matière, donc du temps et de la vie, pour l'adorer, le recouvrir d'or, parce qu'il n'est pas beau. Le Dieu dans les cieux communique par l'humain, et non, donc il communique au travers de l'humain. C'est-à-dire que le Dieu dans les cieux, c'est finalement ce que l'humain va être. Lorsque le Dieu dans le ciel parle à l'humain, il va lui dire « Tu as mal fait ». Lorsque le Dieu dans les cieux parle à l'humain, il ouvre la conscience dans l'homme et l'homme sait qu'il a fait une chose qu'il ne refera plus. Mais l'homme ne sait pas qu'il a mal fait. Ce n'est pas mal faire, de faire le maximum que tu peux faire. Ce serait plus qu'une instruction qu'une culpabilité. C'est absolument pas une culpabilité. Le Dieu dans le ciel culpabilise l'humain, lui parle d'un libre-arbitre. Vous avez le libre-arbitre, la preuve, acheter des billets de loterie, vous ne gagnerez jamais. Bon, vous avez un libre-arbitre, la preuve, sa sécheuse ne fonctionne pas, c'est parce qu'elle le voulait. L'humain n'a absolument pas de libre-arbitre, mais le Dieu dans le ciel fait croire à l'humain qu'il en a un pour que l'humain reste dans un contexte de souffrance. Le Dieu dans les cieux ne t'instruit pas en ce sens, il ne te dit pas ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Il te permet de savoir. Alors, tu ne diras pas « j'ai mal fait ». Pourquoi? Parce que tu prends conscience que tu as fait ce que tu pouvais faire. Et que maintenant que tu as vu, tu ne referas plus ça. Alors, tu n'as pas de punition, tu n'as pas d'enfer, tu n'as pas de karma, tu n'as pas rien, ça n'a rien à voir. C'est une mécanique qui fait partie, le plus bas des phénomènes des dieux dans les cieux, c'est l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, le phénomène christique. Et ça permet à l'humain de se libérer des mécaniques d'assujettissement des dieux célestes, qui sont des copies manquées de la réalité. Qu'est-ce que c'est les cieux par rapport au ciel? Les cieux, c'est tout ce qui n'est pas rayonné en expérience par le plan planétaire. Le monde de la mort, le ciel, cumule l'expérience événementielle de la planète. Tout ce qui est de l'information qui ne provient pas de l'expérience humaine fait partie des cieux. Donc, la planète Terre baigne dans les cieux. Les cieux, ce n'est pas ce qu'il y a l'autre bord, c'est on baigne dedans. Sauf que si l'humain a accès à de l'information, comme j'ai accès, qui ne provient pas de l'expérience planétaire, nécessairement, il amène du neuf dans l'expérience planétaire. Moi, ce que je fais, autrement dit, c'est que je prends de l'énergie cieleste, je la prédigère et je la relibère dans le monde de la mort. Là, les humains qui sont dans le monde de la mort, enfin, les humains qui ont une conscience encore astralisée, peuvent maintenant avoir accès à de l'intelligence parce qu'elle est prédigérée, c'est-à-dire elle a été phraséologisée, elle a été mise en parole et elle peut maintenant servir de lien de compréhension, quoiqu'une grande quantité de ce que je communique et de l'énergie que l'humain a déjà, que je fais juste mettre en branle. Parce que l'humain est aussi énergisé que moi. Sauf que l'humain, il s'en sert pas, fait que je donne des petits coups, puis ça le met en branle. Alors, les cieux, c'est l'information que la planète Terre n'a pas rayonnée. Et le ciel, c'est toute l'information contenue dans l'expérience de la planète Terre. Comment fait-on pour ne plus avoir de pensée ou mémoire? Est-ce à force de ne plus s'identifier à elle qu'on la perd? Faut-il être assez anégoïque pour en compte? C'est un autre. Bon, ne plus avoir de pensée ou de mémoire, il faut ne plus avoir d'âme. Mais ça ne sert à rien de ne plus avoir d'âme si on n'a pas un contact avec son ajusteur de pensée, donc avec son propre esprit, parce que si on n'a pas d'âme, on est un zombie, un mort vivant. Par contre, ce qui va arriver, c'est que vous allez encore avoir pendant un bout de temps une pensée, mais vous devez justement travailler la désidentification de votre conscience face à la pensée. Le soir, quand vous voulez dormir et que ça pense dans votre tête, bien, vous avez la preuve évidente que ce n'est pas vous qui pensez. Donc, la pensée, ce n'est pas nous. La pensée, le problème qu'il y a, elle provient du monde des dieux, du monde de la mort, et ça pense avec les mots « je » et les mots « moi ».« Je vais sortir ». Alors, nous, nous identifions à la pensée, nous pensons que nous venons de décider que nous allions sortir. À un moment donné, il y aura chez vous deux formes d'interprétation. Il y aura une mécanique mentalisante, le mental, relié à l'ajusteur de pensée, qui fonctionnera par écologie, par conséquentialité. Et il y aura l'autre mécanique qui va fonctionner par habitude, par besoin, par souffrance. Et plus l'humain va savoir que ce qui se passe chez lui, ce n'est pas lui, que c'est le colocataire, plus il devient le seul maître contrôleur à bord de son corps physique. Et progressivement, il va désassujettir le système endocrinien de la mécanique astrale, prendre le contrôle de l'interpréteur actionnel, ce qui interprète la pensée en action biologique, contrôler les mécaniques sataniennes et se libérer totalement des possibilités d'apocalypse d'autrui. Faut-il être assez anégoïque pour rencontrer les phénomènes sataniens seuls? Oui, il faut être très anégoïque ou être sous l'égide d'une protection d'un égrégore. Ce n'est pas parce que les choses qui servent présentement servent contre l'homme qu'il n'y a pas de façon, de moyen de parvenir à faire en sorte qu'elles servent l'homme. Les dieux, ça va servir l'homme lorsqu'ils vont exécuter ce que l'homme va leur dire. Les égrégores, ça se nourrit de l'énergie de l'homme. Ça cumule de l'énergie. Mais à un moment donné, c'est là aussi pour donner de l'énergie à l'homme. De temps en temps, un égrégore divin va opérer une guérison miraculeuse. Une ou deux. Pas trop quand même, ça coûte cher. En énergie. Après ça, ça fait que des milliers et des milliers de fidèles vont maintenant renflouer l'énergie qui était donnée à celui qui était guéri. Puis même des fois, on va rechercher la santé dans celui qu'on a guéri. Les égrégores, si un individu est sous la protection d'un égrégore particulier, un égrégore mental puissant, s'il n'est pas suffisamment égoïque, il verra des choses, il ne souffrira pas dans son égo des choses. Pourquoi? Parce qu'il sortira de là et il doutera de ce qu'il a vu. Donc, ça ne le frappera pas autant. S'il est insuffisant à égoïser, trop d'égo, et qu'il n'est pas sous la protection d'un températeur d'initiation, un égrégore, là, il peut être totalement défait du point de vue psychologique, il peut être totalement fou, il peut être totalement désaxé. Est-ce qu'il peut être possédé? Bien, c'est ce qui va arriver aussi. Mais pas nécessairement par une possession géniale, c'est même pas à peine. L'ego va être totalement éclaté à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il est totalement schizophrène, paranoïaque, il peut cumuler plein de problèmes. S'il est suffisamment correct... Peux-tu te mettre à faire des conférences? Oui, ça peut arriver. Même si je comprends l'amour intelligent en opposition avec l'amour possession, attachement, dépendance, comment faire pour ne pas s'attacher? Comment faire pour se détacher une fois que c'est arrivé sans qu'on le veuille? L'observation et le raisonnement mental ne suffisent pas. Bon. L'observation et le raisonnement mental, c'est de l'interprétation égoïque, c'est une lecture de l'astral, de l'information amenée par l'intelligence, votre intelligence, par le biais de votre canal ajusteur de pensée, votre mental. Ça ne sert pas, ça sert à vous écœurer. L'information, il faut comprendre ceci. Il y a, disons, chez vous, un immense canal qui amène un gros bloc d'énergie. Cette énergie-là, ce n'est que de l'énergie. Ça vient chez vous. Et ça fait qu'à un moment donné, vous voyez le monde un petit peu différemment. Vous hésitez à crier, alors que normalement vous auriez crié pour une bagatelle. le journal qui n'est pas tout à fait à sa place. Là, le livreur de le camelot n'a pas fait son travail comme il faut. Normalement, vous auriez crié, mais là, vous vous dites, oh, c'est pas grave. J'ai légèrement énergisé. Et ce qui va arriver, c'est qu'il y aura une première mutation cérébrale qui va commencer. Dans le début, c'est uniquement une transformation au niveau de la quantité de l'énergie qui sert à régir les atomes constituant les molécules de vos neurones. Bon, je saute sur des petits détails, mais quand même. Et il y aura une transformation au niveau de la sensibilité des récepteurs spécifiques hormonaux de votre corps physique, ceux qui réagissent. Quand le cœur, les récepteurs spécifiques du cœur sont moins sensibles, quand vous sécrétez pas grand-chose, le cœur ne réagira pas immédiatement. Donc, vos émotions sont de moins en moins exprimées. Étant moins exprimées, votre ego s'en nourrit moins. S'en nourrissant moins, il s'oublie. Vous devenez de moins en moins émotif astralement. Il va s'exprimer de moins en moins. De moins en moins nourri, il va procéder de la phase de la négoïsation. Mais à travers ce gros, gros bloc d'énergie, d'aliments, qui vient chez vous pour vous nourrir, pour vous transformer, il y a une petite partie qui est comme une saveur. Quand on mange une pomme, il y a une partie qui est la saveur, mais tout le reste sert à l'aliment, pas la saveur. La saveur, elle, va être transformée par l'ajusteur psychologique, l'intellect, pour l'ego, en information. Et dans ça, c'est l'information que vous avez. Alors, vous vous dites, là, je viens d'avoir de l'information, comme quoi je vois qu'il y a un amour qui est... de l'amour limitant, et je vibre quelque chose d'autre où j'ai l'information d'un amour intelligent. Mais je me dis maintenant que je sais qu'il y a un amour qui ne possède pas, comment puis-je l'appliquer? Quand j'aime quelqu'un, je suis fait. C'est l'ego qui est fait, pas vous. Mais votre corps avec l'ego est fait, puis vous vous dites, je ne devrais pas rester là, mais je reste pareil. Je ne devrais pas rester là, mais l'ego étant plus puissant, je reste pareil. On doit clarifier les choses, ce n'est pas vous. Vous devez vous désidentifier des mécaniques de l'ego. Mais le peu d'informations qui est rentrée, c'est très, très, très, très secondaire. Si vous avez déjà la conscience qu'effectivement, il y a quelque chose de pas correct, mais que vous avez la faiblesse, en réalité, la puissance de l'ego pour continuer à faire la chose qui n'est pas correcte, achetez-vous un petit Mi West. Vous venez de gagner quelque chose. Pourquoi? Parce que le peu qui reste, c'est l'information. Preuve qu'il y a un bloc complet d'énergie qui est en train de vous transformer. Mais ce qui vous transforme n'est pas décodable par l'ego. Donc, vous ne pouvez pas égoïquement dire « Ah, j'ai évolué aujourd'hui. » Non. Celui qui dit ça, c'est qu'il a eu de l'information et en fonction de l'information, il se dit « Tiens, j'ai évolué. » Plus vous avez d'informations, moins vous évoluez si votre bloc d'énergie n'est pas plus gros. Autrement dit, l'individu qui, à un moment donné, entre en contact avec son esprit, son intelligence, ne doit pas s'attendre à être capable de parler comme moi. Moi, je suis une grande gueule, je suis un orateur, uniquement parce qu'on me pose des questions. Mais je ne sais rien sans ça. Me posant la question, ça additionne de l'énergie à mon ajusteur de pensée, qui fait que le canal se retrouve là où l'énergie est passée pour vous amener des choses. Mais si tu t'interrogeais toi-même, à voix haute. Je suis extrêmement plate. Si je m'énergie suffisamment, comme présentement, et que je commence à me poser des questions, ça va être une maudite conférence. Ça va être tellement, tellement, tellement élevée, tellement haute, parce que ça va essayer de répondre aux parties d'ego qui me restent, qui, eux, maintenant, sont investis de suffisamment d'informations que ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est quelque chose qui va souvent au-delà même de la création. Bon, alors, ce serait... Puis, du point de vue de l'ego, moi, je sais que mon ego n'a pas besoin de cette information-là. De ce fait, je ne me fais pas des conférences. Bon. Alors, donc, l'être humain qui a de l'information doit faire attention. Je vois de plus en plus tout ce que ça me fait souffrir. Ça m'enrage. C'est pas grave. Plus tu vois, ce que tu vois est peut-être 1% de l'énergie qui est descendue, qui a été amenée sous forme d'information. C'est une énergie résiduelle. Une autre partie de l'énergie résiduelle peut être le goût de faire quelque chose, une colère, une hyper-expressivité, parce que tu n'as pas la capacité, ton mental n'est pas encore suffisamment développé, pour l'interpréter en information. Alors, c'est en énergie, ça devra sortir quelque part. En cri, en quiaille, en quelque chose. Alors, il ne faut pas s'en faire. Vous voyez, et ça vous enrage, vous êtes en train de gagner et achetez vos Midwest. Pas un gâteau encore, même si c'est mes petits Midwest, c'est même pas les Midwest, trouvez-vous quelque chose. Mais... À quoi le peuple québécois ressemble-t-il au peuple juif? Le peuple québécois ressemble beaucoup plus au peuple allemand juif qu'uniquement au peuple juif. Ça paraît pas encore, mais si on regarde l'Allemagne avant le Troisième Reich, c'était pas génial comme peuple apparemment. C'est un peuple extrêmement intelligent, c'est un peuple qui est supramentalisable, c'est un peuple qui n'est pas lié parce que c'est un peuple d'individualistes, mais il n'y a rien de plus fort qu'une gang d'individus qui décident par écœurement de s'associer, ce qui est arrivé avec l'Allemagne d'Adolf Hitler. En ce qui concerne le peuple juif, c'est un peuple qui reçoit plus d'intelligence supramentale que la majorité des peuples de la planète. Maintenant, il faut faire attention quand je parle du peuple québécois. Je ne parle pas uniquement de ceux qui sont venus au monde dans le Québec politique. Il y a énormément de Québécois, K-E-B-E-K, le vieux Québec européen du point de vue des prophéties ésotériques, qui est le bouclier canadien. Il y a énormément de Québécois qui sont de race jaune, de race noire, de d'autres races, qui sont venus au monde sur d'autres territoires et qui migrent vers le Québec et qui vont aussi migrer. Ils émigrent pas, ils migrent vers le Québec pour revenir vers leur terre. C'est la conscience qui détermine une race et non pas simplement sa forme biologique. C'est évident que génétiquement, on engendre des corps qui sont beaucoup reliés aux parents et normalement, par lignée familiale, le peuple reste un peu le même. Mais il y a toujours eu des Juifs qui n'étaient pas de naissance juive. Et comme il y aura des Québécois qui ne sont pas de naissance tout à fait québécoise. Alors, le peuple québécois est un peuple par qui l'intelligence va éclater. D'ailleurs, c'est le peuple présentement qui a le plus de conférenciers à caractère supramental du monde. Et ce peuple en a deux. Il y a beaucoup ailleurs. Qu'est-ce qui n'est pas une conscience et qui prend conscience de la conscience? Explique. Ce qui n'est pas de la conscience, qui prend conscience de la conscience, c'est l'ego. Et j'ai déjà expliqué un peu, c'est un peu comme ceci. Il y a le mental, moi je le visualiserai, il faudrait que je fasse ça en vidéo à un moment donné. Et il y a l'ego qui est ici, l'ego qui est une feuille de papier qui est sur le bureau ici. L'ego souffre, le mental découvre que l'ego souffre, alors le mental sait que l'ego souffre. Et comme le mental informe l'ego parce qu'ils cohabitent dans le même cerveau, immédiatement il y a une mémoire de l'information. L'ego, se servant de la mémoire, l'ego sait que l'ego souffre. Et là, le mental sait que l'ego sait que l'ego souffre. Et immédiatement, je laisse cette feuille-là, l'ego expérimentant ça, l'ego sait que l'ego sait qu'il souffre, mais le mental sait que l'ego sait que l'ego sait qu'il souffre. Et puis là, immédiatement, l'ego sait que l'ego sait que l'ego sait qu'il... Quelle est cette conscience qui subitement découvre que, c'est de la mémoire de ce que le mental vient d'expérimenter, qui maintenant est expérimenté par l'ego. Alors, l'ego se place sa conscience dans la mémoire et il se dit « Crime, l'ego souffre! » Mais immédiatement, le mental décodant ça, le mental dit « Ah, mon ego » ou l'ego sait que l'ego souffre. Et immédiatement, l'ego le sait. Et il faut être extrêmement subtil pour être capable de voir ce qui se passe parce que je sais que je souffre, et je sais que je sais que je souffre, et je sais que je sais que je sais que je souffre, et là, ça continue. Et à un moment donné, ça engendre une espèce de plus ou moins conscience qui reste de l'ego, qui est un ego qui est une partie mémorielle de l'expérience du mental de la découverte de l'ego. Donc, c'est un ego qui sait ce que c'est qu'un ego. Mais c'est une partie de l'ego, ça. Puis le mental, chaque fois que le mental voit, l'ego sait. L'ego se dit, ah, je vois, le mental sait que l'ego voit, et puis ça continue. C'est simplement ce qui arrive. Pour débuter la formation de son double éthérique, faut-il avoir un ajusteur de pensée opérationnel? Explique. Non. Pour débuter la fusion avec le double éthérique, c'est essentiel d'avoir un ajusteur de pensée opérationnel. Pour commencer à créer son double éthérique, juste le fait que vous avez la capacité d'écouter sur certaines choses que je dis prouve déjà que vous avez un double éthérique en constitution. Ce n'est pas parce que vous écoutez ce que je dis que vous avez un double éthérique en constitution. C'est parce que vous pouvez écouter ce que je dis. Il y a beaucoup d'humains sur le plan québécois qui ne me connaissent même pas et qui ont un double éthérique en constitution. À un moment donné, les individus devront passer par deux portes existantes présentement au Québec pour pouvoir faciliter leur travail. Je n'accélère pas de travail. Je rends le travail plus agréable, plus facile, beaucoup plus plaisant. Ça vaut la peine. Mais l'individu s'en égoïse tout le long de sa vie et à l'instant où l'individu est capable de commencer à envisager des choses neuves, même s'il les rejette par la suite, du moment que l'individu commence à envisager des choses neuves, à l'instant où l'individu commence à considérer qu'il est temps qu'il change, qu'il est écœuré d'être écœuré, il se met en colère de se mettre en colère, il est impatient de voir comment il est impatient. Mais cet individu-là commence déjà à créer un double éthérique, sauf qu'il, nécessairement, s'il n'a pas l'information, une information extraterrestre, une information qui vient des cieux et donc qui ne vient pas du contexte céleste, une information qui va commencer à lui dire ce qui t'arrive, c'est ceci. Fait que crie pas, suicide-toi pas, mange pas trop de ceci, attends, tu vas voir, c'est plaisant. Une information qui va permettre à l'individu de comprendre ce qui lui arrive, parce que l'individu qui commence à se conscientiser se voit comme étant totalement normal. C'est évident, d'ailleurs, c'est ce qu'il est, totalement anormal. Mieux, mais anormal, il n'est pas dans la normalité. Alors l'individu, à un moment donné, a intérêt à faciliter un peu son travail en ramassant de l'information. Puis au Québec, ben, il est carré ici, les individus sont relativement chanceux, parce qu'il y a quelques écrits. Ben, finalement, il y a un écrit, il va en avoir un deuxième prochainement. Et il y a quelques personnages qui, justement, communiquent un peu cette information-là, qui peut permettre à l'ego de supporter ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que d'une réincarnation à l'autre, j'accède à un corps au moins aussi évolué vibratoirement que celui que j'habitais avant? Ben, c'est logique. Ce qui s'incarne de vous, mais c'est logique. C'est logique et en même temps, c'est faux. Ce qui était le plus bas chez vous vit présentement dans un corps très bas. Ce qui était moyen chez vous vit présentement dans un corps moyen. Ça l'exprime. Ce qui était le plus haut chez vous, ce qui présentement est ici et qui pose la question, vit dans un corps qui a attiré des choses qui est en affinité avec le corps. Je répète encore une fois que c'est le corps physique qui détermine ce qui se réincarne. C'est jamais l'incarnation qui choisit son corps. Le corps physique qui peut permettre l'expression d'intelligence attire des mémoires d'intelligence. Et nécessairement, en étant en tant qu'intelligence, vous vous retrouvez dans votre corps physique et vous dites « c'est drôle, je suis toujours un corps ». Bien, c'est évident. Tant mieux, mais venez-vous bien. Le gars qui a toujours été paresseux, qui se ramasse dans un corps d'athlète olympique, l'autre qui a toujours couru, qui se ramasse dans une chaise roulante, ça ne va pas du tout comme ça. Absolument pas. Que pensez-vous d'un couple qui sait qu'il va se séparer dans un an, mais qui continue de rester ensemble parce que l'un n'est pas prêt? Premièrement, je ne pense même pas. Et deuxièmement, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à dire. C'est un couple qui va se séparer. À un moment donné, peut-être, qui se séparera peut-être pas, et puis, etc. Tout est possible, l'avenir est en mouvement. Qu'est-ce que le double éthérique planétaire? Bon, tu continues, on revient après avec. Y aura-t-il la bête dans l'Apocalypse et quelle est sa si fonction? On va passer tous ces papiers-là. Ah. Comment contrôler les phénomènes sataniques après une colère mentale? Ne pas avoir peur, ne pas regretter d'avoir fait une colère mentale. Ça. Si Dieu est parfait, pourquoi avons-nous chuté? Doit-il encore évoluer? Dieu n'est pas parfait. La preuve, regardez-vous dans un miroir. Et effectivement, l'évolution de l'homme est l'évolution des mécaniques des dieux, des divinités, des hiérarchies cosmiques. Si Lucifer n'a pas écouté, j'imagine, les Elohim, alors qu'est-ce qui manquait à Dieu pour sa manifestation réelle? Est-ce que Dieu connaissait déjà le choix de Lucifer? Si oui, pourquoi? Premièrement, Lucifer n'avait pas écouté les Elohim. Pourquoi? Parce que les Elohim, c'est une hiérarchie extrêmement avancée, extrêmement évoluée, qui ne provient, mais absolument pas, de la même source que les mécaniques christiques et lucifériennes. Donc, il n'avait pas les phénomènes. Les phénomènes Elohimiques est un phénomène... Les Elohim, ce sont des investisseurs de planètes, ce sont des recteurs de corporification permettant un jour la descente d'une conscience dans un corps physique. Ce sont des fabricants d'animaux humanisables, ce sont des fabricants, disons, d'êtres humains, d'êtres, de corps physiques. Les Elohim n'ont pas de but, ils n'ont pas de plan particulier, ils sont mécaniquement envoyés sur des planètes suffisamment refroidies dans le but de transformer génétiquement les vestiges de la de la mécanique qui, de toute façon, sur n'importe quel contexte planétaire, engendre des acides aminés et engendre à moyen terme quelque chose qu'on appelle vivant. Les Elohim, ce sont des travailleurs au niveau génétique. Le dernier Elohim qui, disons, le dernier fils d'Elohim qui est resté sur le plan planétaire était Noé. Travailler la génétique dans les Galapagos, sur l'Atlantide, avant sept déluges. Alors, les Elohim n'ont pas à travailler avec Lucifer. Lucifer est une mécanicité beaucoup supérieure à la mécanique Elohim. Les Elohim ne sont que passagers. De temps en temps, ils font des retours, tout simplement pour venir travailler un peu. C'est-à-dire que les Elohim, prochainement, c'est ce qu'ils font présentement, ils ont un intérêt, ils sont à travailler dans une autre partie de cette galaxie, à créer un monde au cas, travaille pour rien, mais au cas où la planète Terre serait éliminée de la carte évolutive, les Elohim sont présentement à récupérer des parcelles de la génétique, non pas des humains les plus avancés, c'est pas nécessaire, les humains les plus avancés ne se plient pas aux Elohim, donc les Elohim ne peuvent pas les toucher. Comme je dis souvent, quand on rencontre un extraterrestre, il faut que l'extraterrestre rencontre un terrestre extra. Et l'extraterrestre doit s'agenouiller. Mais étant donné que les Elohim, présentement, ce sont des mécaniques gestionnaires de certains mondes pour permettre la prolifération de corps physiques recevant de l'intelligence plus tard, les Elohim, présentement, sont à la recherche, dans le contexte planétaire, de suffisamment de codes génétiques pour pouvoir repartir sur une autre planète plus rapidement l'humanité actuelle au cas où il y aurait une problématique. Il y a différents apocalypses, il y a différents choix. Il y a le choix de l'homme nouveau, il y a le choix de l'homme ancien, il y a différentes mécaniques. Certains humains se retrouveront sur une autre planète Elohimisée et ils recommenceront quelques milliers d'années en arrière, ce que l'humanité peut faire. D'autres sont déjà, et c'est une des fonctions tout à l'heure qu'on me posait comme question, faire en sorte que certains humains soient transportables, pas par les Elohim. D'autres seront placés dans des contextes qui sont chronomiquement assujettis à ce qu'en année standard, on appellerait l'an 3000-3500, planétairement, c'est-à-dire une courbure spatio-temporelle. Et il y a d'autres personnages humains qui vont simplement être gaullisés, d'autres vont rester ici. Alors, les Elohim n'avaient donc pas écouté la mécanique luciférienne parce que les Elohim construisent des corps physiques et le phénomène luciférien vient mettre la conscience dedans. Pas l'Elohim. L'Elohim, lui, va laisser une trace céleste qui va faire en sorte que l'humain va rester assujetti à des lois éloïminiques simplement pour croître et se multiplier. C'est typiquement éloïen, engendrer des corps physiques. Comment ne pas vivre l'apocalypse des autres, puisque la majorité d'entre nous doit relationner avec ces autres? Ne sommes-nous pas reliés à eux, même si dans notre conscience, il n'y a pas d'apocalypse? Non, notre ego est relié à eux présentement. Et c'est pas un problème. Ce que l'humain doit faire pour ne pas vivre l'apocalypse des autres, c'est préparer après l'apocalypse, c'est-à-dire trouver une raison intelligente à évoluer. Il y en a en masse, de toute façon, s'il y en a pas, demandez aux voisins, sinon ben, il y a 250 conférences de fait, il y en a un ou deux là-dedans. L'humain doit devenir, ce qu'on parlait dernièrement, un aristocrate. On parlait aussi de chevalier. C'est des termes spirituels, des termes que je n'aime pas trop, mais qui planétairement désignent tellement ce qu'il y a eu dans la conscience évolutive de l'homme, ce qu'il y a eu de mieux. Je ne parle pas de bandits, on parle de la chevalerie à une époque où le chevalier était celui qui, parce qu'il était le plus intelligent, le plus instruit, le plus puissant, le plus riche et le plus armé, travaillait en fonction de l'évolution du peuple, autrement dit, protégeait le peuple. Que ce soit les Templiers, que ce soit, à un moment donné, les premiers croisés. Par la suite, c'était les bandits, les pillards. Que ce soit les samouraïs à une certaine époque, il y a eu, enfin, les chevaliers, la chevalerie, on en trouve un peu partout. C'est celui qui met sa monture et son épée au service d'une bonne cause. La bonne cause ayant été, dans l'Antiquité, une cause normalement religieuse, c'est-à-dire protéger la veuve et l'orphelin. Ce qui, à l'époque, était ce qu'il y avait de plus beau pour l'humain, pour le mâle. Le mâle ayant le contrôle, le mâle décidait que l'enfant avait une importance et la femme aussi, et il mettait sa vie au service de cela. Quand on parle de chevalerie, je parle, moi, de ce qui, dans la conscience, l'intelligence, a réussi à s'exprimer à l'intérieur d'un être humain pour qu'il place ce qui, normalement, servait à détruire au service de ce qui servait à construire. Quand je parle de la chevalerie planétaire, c'est le terme, évidemment, le terme qui est global. Celui qui ne veut pas vivre l'apocalypse des autres doit devenir un aristocrate planétaire, c'est-à-dire un aristocrate qui ne travaille pas pour son milieu, qui travaille pour une planète. Il doit devenir un planétologue, spécialiste de l'évolution des conséquences sur une planète. Et il doit devenir finalement un chevalier, c'est-à-dire un être humain qui est capable de faire passer certaines choses que son ego limite, faire passer certaines choses avant ces phénomènes-là au niveau de l'ego, c'est-à-dire un être humain qui est capable de travailler uniquement en fonction de l'intelligence. Si cet intelligent le fait, cela peut même amener un être humain à abandonner son corps physique parce que c'est énergétiquement économique de le faire. Et quand je dis abandonner son corps physique, cela veut dire abandonner son corps physique pour que des corps physiques supérieurs aux siens puissent survivre. L'humain spirituellement dirait donner sa vie pour d'autres. Mais il y en a un qui se noie, on est trois à le regarder, ben on n'aura pas donné nos trois vies pour lui. C'est inécologique, c'est illogique. Ça prend plus d'énergie au niveau planétaire à rebâtir trois corps physiques qu'à rebâtir un seul. Mais il y en a trois qui se noient, il y en a un qui est là, ben lui peut s'essayer. C'est logique. Alors, il y a une façon de ne pas vivre l'apocalypse des autres, c'est de travailler cette aristocratie. On en a parlé dans différentes conférences, puis nécessairement, on va en reparler. La semaine prochaine, je crois qu'on parle de ce que c'est qu'une véritable conscience supramentale, et il y aura énormément de, disons, de désillusions pour beaucoup de personnes. La conscience supramentale, c'est quelque chose qui n'est pas snobisable. Et on parle encore d'aristocrate, donc l'être humain doit travailler en fonction de son non-égoïsation, de ne pas souffrir de ce que les autres souffrent, pas jouer le jeu, travailler pour ne pas le souffrir. L'ego le souffre, mais quand l'humain se dit « oui, ça souffre, c'est pas moi », mais il ne se joue pas un jeu, c'est vrai ce qu'il dit. Et lentement, il finit par se diriger vers l'aristocrate, étant donné qu'une grande contingence d'intervention, ce qu'on appelle extraterrestre, provient de l'avenir. Ces personnages sont justement ce qu'on pourrait appeler, nous, des aristocrates, et il n'y a pas un qui va s'encombrer d'animaux humains. Comment ne pas vivre l'apocalypse des autres? Eh bien, c'est nécessairement de devenir aristocrate parce que l'humain sera, au niveau spatio-temporel, sera muté. Alors qu'il ne vivra absolument pas la condition apocalyptique qui risque de couvrir la planète dans quelques années. Voilà, c'est années que vous employez. Voilà. Est-ce que le phénomène michaélien est un Melchisédek? Est-ce qu'il aura un rôle à jouer dans les temps qui viennent? Jésus est réincarné. Jean est réincarné. Le Nazaréen ne reviendra pas. Le Christ va revenir. Le Christ, c'est l'intelligence supramentale. Donc, le Christ est déjà revenu. Il ne revient pas dans un être humain, il revient dans quelques humains. Et il a une tendance à revenir dans de plus en plus d'humains. Alors, ce n'est pas un phénomène Melchisédek. La franc-maçonnerie est beaucoup plus melchisédienne. Un Melchisédek est un catalyseur, accélère une réaction sans prendre part. Les Melchisédek ne sont pas évolutifs. Ils sont stables, anémotifs, ne vivent pas d'émotions, donc dangereux pour l'humain. Si un humain a à être éliminé, il l'élimine. Aucune émotion. Le Melchisédek est intelligent, relié de l'intelligence supramentale, mais il ne connaît pas l'amour intelligent. Il n'est pas relié au plan bouddhique, au-delà du plan supramental dans les cieux. La franc-maçonnerie melchisédienne catalyse l'évolution, accélère les choses, mais pas nécessairement d'une façon confortable pour ceux qui sont accélérés. Est-ce que tu travailles conjointement avec un Melchisédek ou un Melchisédek travaille avec toi? Pourquoi fais-tu cette inversion? En quoi est-ce différent? Si oui, parle-nous de cette alliance. Non, ce n'est pas intéressant, ça ne vous servira pas grand-chose. Tu as dit que ce sont toujours les femmes qui ont eu à payer les rétributions karmiques. Pourquoi? À l'époque du Nazaréen, quels personnages féminins ont eu à le faire et de quelle façon? Bon, quel personnage féminin? Il y en a eu un paquet. En l'occurrence, la fille, celle qui a réussi à avoir la tête du Baptiste, elle a, c'est encore la femme, c'est Ève, mais c'est encore la femme. La femme, elle a payé suffisamment. D'ailleurs, la femme, c'est le grand piège karmique pour libérer la femme un peu et en même temps pour astraliser le monde de la mort. C'est une partie, c'est le comte de Saint-Germain. Encore une fois, Lazare qui a amené ça en inventant les cosmétiques, les teintures à cheveux, enfin, des paquets de choses en genre. Alors, la femme est obligée de se déguiser totalement régulièrement pour l'homme tout le temps, mais elle supporte un fardeau génial. À l'époque, il y avait les corsets, il y avait l'atropine que se mettait dans les yeux pour des grosses pupilles. Ça te rendait aveugle à la longue à cause du soleil. Aujourd'hui, il y a encore il y en a en masse, les souliers talons hauts, parce qu'on aime ça voir des fesses et des seins. Fait qu'on vend. Les verres de contact de couleur. On joupe les femmes, les verres de contact de couleur. Enfin, bref, c'est. Ça a fait fonctionner l'économie planétaire. Pourquoi la femme? Parce que la femme, elle a un corps physique beaucoup plus sécrétatif, un corps physique beaucoup plus endocrinien. La femme, c'est celle qui devait souffrir d'avoir des enfants parce que l'homme, lui, l'homme a besoin de sexe parce qu'il est polarisé négativement du point de vue du corps physique, du corps vital. Et la femme, elle, doit s'occuper de l'enfant, sinon l'enfant ne sera pas vivable. Il ne pourra pas vivre, il n'est pas fiable à la naissance. Pour cela, elle doit souffrir de l'enfant. Souffrant de l'enfant, l'enfant est hormonalement d'être relié à l'enfant. Elle est reliée à l'enfant hormonalement parce que les sécrétions endocriniennes hormonales sont transportées dans le sang vers les récepteurs spécifiques du corps physique de façon à permettre à l'ego de s'exprimer. Le sang de la mère nourrissant le fœtus assujettit déjà le corps fœtus à être comme la mère. La mère étant réincarnée dans l'enfant, veut protéger l'enfant. Elle aime l'enfant, c'est-à-dire qu'elle en souffre, elle en a besoin. Et la femme, elle a un corps physique pour préserver la vie de l'enfant. Un corps physique qui permet à l'astral de s'exprimer beaucoup plus facilement. La femme devient plus facilement sensible, plus facilement sorcière, plus facilement clairaudiente, clairvoyante, télépathe, guérisseuse que les mâles. Et de ce fait, de toute façon, c'est pas important. Enfin, c'est pas important, c'est vrai, cosmiquement, c'est pas important. Je vous dis que cosmiquement, c'est pas important. Ceux qui sont en haut, c'est pas important pour eux autres. Que la femme paye plus de karma que l'homme. Parce que de toute manière, il faut que quelqu'un puisse avancer et que quelqu'un puisse ramasser les problématiques. On a des peuples sur le plan planétaire ici qui ont d'immenses karmas à payer. Ils payent notre karma. Ça nous permet d'avoir de l'électricité, du pétrole, du luxe, pour continuer à avancer. Quand on sera suffisamment avancé, on aura une conscience qui va nécessairement digérer ceux-là. Donc, ceux-là aussi vont être, ils disent, sauvés. Alors, la femme, elle a toujours eu ce travail de ramasser énormément de karma. L'homme en ramasse aussi, mais c'est un karma beaucoup plus physique, plus violent. Karma des guerres, karma de la matière. Tandis que la femme, elle ramasse son karma beaucoup plus émotif. Alors, à l'époque nazarienne, quel personnage féminin a eu à le faire? Il y en a eu en masse, il y a eu un Marie-Madeleine, pour dire, oh, elle a été correcte parce qu'elle a eu un contact assez intime avec le nazaréen, ce qui l'a aidé un peu, et par imprégnation. Mais la femme, depuis le début, c'était en train de changer. Pourquoi? Parce que la femme s'hominise et parce que l'homme se féminise. C'est-à-dire qu'il y a une androgyna qui est en train de se faire du point de vue des consciences. Ça va se finir biologiquement dans quelques années. Mais dans la conscience, la femme est de plus en plus en train de devenir, de changer. Ce qui fait qu'elle mute le corps physique. Mutant le corps physique, elle a de moins en moins de réactions endocriniennes comme elle en avait avant. Ce qui lui permet maintenant de faire des affaires, de se lancer en affaires, d'être médecin, d'être ambulancière, d'être ingénieur, d'être astronaute. Elle est capable de supporter endocrinalement des choses qu'avant la femme n'aurait jamais pu supporter. Et l'homme est de plus en plus capable d'aimer les fœtus, d'aimer les enfants qui viennent au monde, ces choses-là, il est en train. Il y a une androgyna de la conscience qui se fait, ce qui fait que la femme, de plus en plus, va se désassujettir de ce support karmique. C'est les peuples inférieurs, c'est-à-dire les animaux humains, ceux qui se plaisent encore de crier quand il pleut, qui vont supporter. Est-ce que ça fait en sorte, vu que l'homme se féminise, que lui est plus sensible émotivement, il ramasse du karma émotif, mais est-ce que c'est parce qu'il ne se bat plus physiquement? Il a tendance à ramasser un karma, mais en même temps, il va surtout ramasser ce qui était avantageux chez la femme. Une vision plus acceptable de plusieurs choses sur le plan planétaire. Lui, l'homme va être capable de comprendre l'esthétique. Plusieurs phénomènes du genre. Parce que la femme, ce n'est que de l'esthétique. L'esthétique de l'enfant, l'esthétique de la religion, l'esthétique de la maison, l'esthétique du vêtement. C'est plutôt ça. L'homme, ça va être beaucoup plus au niveau de l'efficacité, la mécanique. Quand il y a un trou et il pleut, ben, tu ne vas pas le réparer parce qu'il pleut, parce qu'il pleut, pas le temps. Quand il ne pleut plus, ben, tu ne vas pas le réparer parce qu'il ne pleut plus. C'est la conscience de l'homme. La femme, elle, c'est autre chose. Il y a de l'esthétique, il y a un paquet de raisons, ce qui fait que, présentement, ça s'associe. Il faut faire attention, les hommes ne deviennent pas homosexuels parce qu'ils deviennent comme les femmes, puis les femmes ne deviennent pas lesbiennes parce qu'ils deviennent comme des hommes. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Est-ce que tous les humains ont un minimum d'esprit? Ah, ben effectivement, oui. Un minimum d'esprit. Par quelle mécanique le mental peut instruire ou ordonner à l'ego de lâcher prise avec la peur? Plus j'avance, plus l'ego a peur des forces involutives. Quelle est cette mécanique? Bon, ça c'est la culpabilité de l'ego d'avoir libéré le mental. Vous devez parler à votre ego. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la colère mentale. La colère mentale, elle est de deux formes. Une colère mentale violente, celle où on parle, où on implante une autorité mentale dans l'astral, puis une colère mentale douce, celle où on parle à notre antinome. Et la personne doit parler, pas penser, parler. Elle peut parler dans sa tête, elle peut parler à haute voix, elle ne doit pas penser, elle doit parler à son ego, l'instruire, le calmer, le carottiser son chemin, lui donner des carottes, lui expliquer que c'est pas dangereux, qu'il va devenir immortel, cesse d'avoir peur. Puis à un moment donné, l'ego est tout seul dans son coin, puis l'ego a peur en maudit, puis là, on revient. Non, je t'abandonne pas. J'ai besoin de ton énergie, j'ai besoin de toi, tu es utile. Ah, l'ego, il faut qu'il soit utile, l'ego. Si je te suis utile, tu me lâcheras pas. Fait que dites-lui qui est utile. Le pire, c'est que c'est vrai. Bon, pas comme il pense, mais mieux qu'il pense, mais pire, mais mieux. Enfin bref, dites-lui, c'est pas grave. Et on doit lui parler. Parce que l'humain, ce qu'il va dire, oui, mais quand mon ego va être un égoïsé, il n'y aura plus d'ego. Exact. Comme quand vous étiez un enfant, vous vouliez être un adulte. Quand vous devenez un adulte, ben il n'y a plus d'enfant. C'est exact. Mais l'enfant, là-dedans, il n'a pas souffert. Il est même, finalement, ça va bien. L'ego, c'est la même chose. On doit lui parler. Mais ce qui va arriver souvent, c'est que le mental ne sait pas si ce qu'il va dire à l'ego va être perçu comme étant un mensonge. Alors, autrement dit, le mental ne sait pas si ce qu'il dit est un mensonge. Est-ce qu'on peut lui écrire? Quelqu'un qui a un journal, oui, on peut lui écrire. Qui se fait un journal. Oui, on peut lui écrire. Bon, OK, merci. De quelle mémoire était constitué l'ego du Nazaréen? Bon, le Nazaréen n'avait pas d'ego comme tel. Le Nazaréen, c'est l'alliance entre l'énergie christique et le corps physique juste antérieurement habité par l'ego de Jésus. L'ego de Jésus est placé dans un double éthérique temporaire dans le plan moroncial pendant tout le temps où le Nazaréen, le Christ, l'énergie christique, l'intelligence prémentale, se sert du corps physique de Jésus. L'ego de Jésus, c'est un ego de personnage évolutif qui... L'ego de Jésus était uniquement constitué par l'expérience évolutive de très jeunes enfants qui sont tous morts avant l'adolescence. Qu'est-ce que la part rôle? J'ai une bonne question aussi. Qu'est-ce que? La part rôle, la part en deux mots. C'est un mot. Y a-t-il une bête dans l'Apocalypse et quelle est sa fonction? La bête, c'est la science. Qu'est-ce que les dieux dans les cieux? Tout à l'heure, on a répondu d'une façon. L'énergie satanique se transformera en quoi lorsque l'astral sera dissous? En végétaux. En plantes. En Éden. C'est de là que le début a commencé. Qu'est-ce que le double éthérique planétaire? Bon, il faudrait que je la garde, et puis la semaine prochaine, la conscience supramentale, on va parler de la conscience planétaire supramentale, donc du dométérique supramental, ce qui fait qu'on pourra répondre. Ça va être 10-15 minutes, c'est pour ça que je vais la placer plus tard, mais là, finalement, c'est très plus tard. Voilà. La semaine prochaine, c'est la conférence... Qu'est-ce qu'une véritable conscience supramentale? Au LDN, Montréal, sur la rue Sherbrooke. Non, mais c'est ça. Si vous prenez au sérieux, sachez que c'est pas vous, c'est votre ego. Bonne semaine.